Ce morceau est dédié à tous mes amis, ennemis, ceux qui sont encore là aujourd'hui et ceux qui sont partis. Mes pensées forment ma plume, à chaque ligne que j'écris, c'est une phrase qui se tue, qui vient mourir, s'échouer sous un soleil qui me brûle, si sauvage comme une ombre se dessine, et je tombe dans un cœur de petit homme. Aussi haut que trois pommes, je me rappelle ces automnes assis à ma fenêtre, je regardais tomber ces feuilles mortes. Sans idée, sans esquisse, sans attendre une seconde, pensant qu'un beau jour une lumière frappera à ma porte. Mais putain, quelle époque, comme tout gosse, névrose, inédite, le couleur rose des rêves qui expose sur papier. Je m'impose, je raconte des présentes sans aucune légende. Une pensée parmi d'autres, néanmoins affligeante. Regarde ces gens qui ne pensent qu'à l'argent. Mais moi, sans un sou, je rêvais d'être grand. J'avais rien, c'était tout, mais c'est tout à mes yeux, c'était beaucoup. Un point, c'est tout, je vous l'avoue, si je relou, me dites-vous des pensées bout à bout que je colle et puis que j'isole. Pour former cette chaîne de souvenirs au passé drôle, souvenirs qui m'affolent, une pensée pour tous ces cons qui se reconnaîtront sûrement derrière ces phrases dans le vent. Tous ceux qui me détestent, qui me comparent à la peste en plusieurs mots, en un seul geste, c'est mon micro qui les blesse. Je pense aussi à ceux qui sont dans l'oubli de la vie, dans le blanc des nuages, dans ce petit paradis. Nos yeux qui se laissent envahir par des larmes, mes notes qui s'accrochent à ces gouttes pour finir dans un lac en mémoire de ceux qui n'ont plus rien à bouffer, qui crèvent la dalle à ci-dessous de notre nez, qui passent leur temps à compter les passants. Et moi, en attendant, j'écrivais toutes mes pensées sur une page blanche, regard abusé sans aucune louange à l'égard de ce monde qui ne tourne plus tout rond. Ma vision s'affaiblit, mes bras et jambes en coton. Penser au passé sans jamais effacer ni se lasser, je me dois de juger les conneries qui nous ont tous menacés, abrutis bien aigris par tous ces tracas de la vie. J'ai mal et puis je souffre de voir quand tout le monde réagit. Encore et puis toujours une petite pensée pour mon fils. Mon cœur, mon moteur, ma vie sans lui serait bien triste. Ma mère qui a souffert durant ces années de galère, 17 ans de malheur puis c'est le retour de mon père. Ainsi le destin en a voulu ainsi. Juste une pensée, ouais, un récit. Et pour moi, peut-être le début de ma vie. Qui sait où j'irai, en tout cas, j'y vais. Alors ces dernières lignes, je les confie à mon stylo, qui m'aidera sans doute, non ce n'est pas un jeu de mots. Une sorte de thérapie, extériorisée ma vie. En avalant des rimes, la maladie sera guérie. Sur un son de guitare, j'ai posé un soir très tard des mots sans le vouloir, une pensée, c'était un soir. Je sais pas ce qui m'a pris, un désespoir, le cafard d'écrire sur mon cahier pour vider ma mémoire. Autant porte les mots, ses parents s'envolent dans le vent. Planté sur mon îlot, les yeux dirigés vers le temps. Une petite pensée aussi pour notre société, qui pense au pognon sans jamais nous consulter. Des magots, des ragots, victimes d'incrédibilité. Politico, mafieux, ce sujet sont de français. Toutes ces phrases, ouais, toutes ces pensées, ouais, fallait bien en parler. Que cela plaise ou non, mon droit est de les évoquer. Laissez libérer mes esprits enchaînés. Le pilleur, Fab, pour une pensée.